Maître Galuchon, Georges Adet. Le docteur, Jacques Thierry. Comtesse Louise de Clérambard, Huguette Duflot. Madame de Léré, Marcel Aignat. La langouste, Doradol. Madame Galuchon, Lordiana. Evelyne Galuchon, Gisèle Touret. Étiennette Galuchon, Sylvine Delannoy. Brigitte Galuchon, André Gire. Et la récitante, Olga Nilza. Prise de son, Jean Pantaloni. Collaboration technique, Jean Parintoen. Bruitage, Henri Saint-Georges. Assistante de production, Odette Briane. Réalisation, Roger Dattis.